Yeah, baby. Yeah, baby. You walk on my side. Me, I'm gonna explain something on my heart. Yeah, girl. Now this is all the feeling that the way I feel about you. Listen up, baby. Now this is for you. Me quero tomar cheche, não. Chez moi je veux l'amour. L'amour de penser peut jamais exister. Yo dis que fort souvent, non mon corps est meilleur. Toujours écrit sous cœur, t'es destiné pour marcher avec. L'ange au moins, ouais, 6 ans y'a changé. 6 ans y'a changé. L'ambre pour ta dormi levé. Soleil cap clairé, qui refusait coucher. C'est qu'on s'en excité, dis-moi qui j'en pour me calmer. Mamma mia, ouh, ouh, ouh. Une femme sentit ça. Oh mon Dieu, côté femme ça t'est.